إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est dans le cours 12 aujourd'hui de la lecture du livre المدخل إلى علم الفقه, l'introduction de la science du fiqh ou introduction à la science du fiqh, écrit par le cheikh Sulayman Abelkhayl hafizahullah ta'ala. Et donc aujourd'hui on continue dans l'évolution de l'histoire du fiqh et de son développement, avec maintenant l'introduction de l'histoire des différents fondateurs, ou de, pas des fondateurs, mais de ceux à qui les écoles de fiqh ont été attribuées. Parce que les imams eux-mêmes n'ont pas fondé de madhab. Hein? Ces madhahib, ce n'est pas eux-mêmes qui les ont fondés. C'est plutôt des gens après eux qui les ont établis. Parce que les imams, leur intention, quand ils enseignaient l'islam, quand ils enseignaient le fiqh, quand ils enseignaient les règles de la religion, ce n'était pas de dire aux musulmans « créer une école avec mon nom » et enseigner uniquement mes positions et suivez uniquement ce que je vous ai enseigné. Hein? Ça, ce n'était pas leur intention. Ça, c'est des élèves de ces shuyukhs et de ces imams qui ont préservé leur position après eux et qui les ont enseignés, et ça s'est propagé par la suite et c'est devenu qu'est-ce qu'on appelle des écoles par la suite. Donc, la première école de fiqh parmi les quatre écoles des écoles d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, c'est l'école de l'imam Abu Hanifa, à qui on attribue l'école qu'on appelle l'école du madhab al-Hanafi. D'accord? Et une chose à mentionner peut-être aussi avant de commencer, c'est que les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, ces quatre imams sont des imams qui ont la même aqida. Ils font partie des gens qui étaient sur la aqida des salafs, Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Certaines choses ont été dites à propos de Abu Hanifa, du fait que dans certaines questions, comme au sujet de la foi et sur d'autres sujets aussi, qu'il avait eu certaines erreurs et certaines fautes dans ces questions-là. Puis, qu'est-ce qui est rapporté de manière authentique de la part de certains ulama au sujet de ces erreurs-là, c'est qu'il s'est corrigé de ces erreurs-là avant sa mort, qu'il est revenu de ces erreurs-là avant sa mort. Hein? Donc ça, c'est ce qui a été dit de la part des ulama. Donc il a été beaucoup critiqué, l'imam Abu Hanifa, par certains des ulama et des imams de son époque, mais ça c'était à une époque il a été critiqué, mais d'autres ont rapporté qu'il est revenu sur ces erreurs-là. Hein? Allahu ta'ala a'lam. Donc, mais sinon, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad et les autres imams d'Ahl al-Sunnah, ils étaient tous sur la aqidah des salafs et sur les différents points et les différentes questions de la aqidah, ils étaient tous d'accord. Il n'y a pas de divergence entre eux. Par contre, dans le fiqh, hein, c'est clair qu'ils ont eu des divergences et on a expliqué au dernier cours les causes de certaines de ces divergences-là. Maintenant, on va lire le chapitre en question au sujet de la vie d'Abu Hanifa, sa vie et sa naissance, son nom, son origine, son statut dans la science et son décès, les fondements de son madhhab, les compagnons de Abu Hanifa ainsi que ses élèves, les endroits où son madhhab a été propagé et les livres les plus importants sur lesquels le madhhab Hanafi se c'est-à-dire c'est quoi leurs livres les plus importants et les terminologies qui sont employées dans ce madhhab. Donc le cheikh Sulaiman Abul Khayl hafizahullah il dit wa yu'tabaru al-waqt alladhi dhahara fihi al-a'immah al-arba'ah huwa waqt izdihar al-fiqh wa intisharuhu wa kathratu talibih wa kanat bidayatuhu min sanata 119 للهجرة. وسنعطي القارئ لمحة موجزة يعني مركزة على كل واحد من هؤلاء الأئمة تكشف أبرز جوانب حياته وأصول مذهبه ومصطلحاته وأماكن انتشاره وأشهر تلامذته والكتب التي يعول عليها فيه وأولهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. Donc, Cheikh, il explique que le temps dans lequel les quatre écoles de fiqh, ou les quatre imams plutôt, les quatre imams auxquels on attribue ces écoles de fiqh, ont fleuri, et dans lequel le fiqh islamique a fleuri et s'est propagé, et dans lequel il y avait beaucoup d'élèves, ou beaucoup de gens qui cherchaient la science du fiqh, et son début, ou le début de cette période-là, commence vers l'an 119 après la Hijra à peu près, et cette période termine avec la mort de l'imam Ahmad rahimahullah l'année 241. Donc c'est la période de fleurissement du fiqh, hein. Il dit وقد انتهى بوفاة الإمام أحمد سنة 241 للهجرة. Donc ça c'était la période de 219 à 241, c'est la période de fleurissante du fiqh, et donc on va donner une historique résumée de chacun de ces imams pour montrer les aspects les plus importants de leur vie et les fondements de leur madhhab, leur terminologie, l'endroit dans lequel ces différents madhhab se sont propagés, et les élèves de ces madhhab les plus connus, et les livres sur lesquels ces madhhab-là sont basés, et le premier d'entre eux, c'est l'imam Abu Hanifa. Donc, le nom de l'imam Abu Hanifa, c'est Al-Nu'man ibn Thabit ibn Zutay. Ok? Et Al-Nu'man ibn Thabit, ça c'est son nom, sa kunya c'est Abu Hanifa. Et il est d'origine perse. Yani Aslun Farisiyun Kufi de la ville de Kufa. Donc perse de la ville de Kufa en Irak. Ulida sanata 80 ala al-Asah. Donc la position la plus correcte au sujet de l'année de sa naissance, c'est qu'il est né en l'an 80 après la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la position la plus correcte. Nash'atuhu laqad 'asara al-imam Abu Hanifa awajju ad-dawlatayn al-umawiyyayn wal-abbasiyya al-dawlatayn al-umawiyya wa al-abbasiyya wa huwa min atba' at-tabi'in wa qila min at-tabi'in wa laqiya Malik ibn Anas وروى عنه حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. Donc il est yani sa vie, c'est quoi son historique, c'est que l'imam Abu Hanifa il a vécu dans une période entre les deux grandes dynasties Umayya et Abbasiya, et il est parmi les élèves des tabi'in. Et certains ont dit même qu'il était parmi les tabi'in. Il a rencontré l'imam Malik ibn Anas et il a rapporté de lui le hadith Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, c'est-à-dire la quête du savoir est une obligation pour tout musulman. Naam. Donc, ça c'est un hadith qu'il a rapporté. Et il l'a rapporté de l'imam Malik. Wa kana tajira qumash. Wa akhadha ilmuhu fil hadith wal fiqh. عن أكثر أعيان العلماء وتفقها في مدة 18 عاما بصفة خاصة بحماد بن أبي سلمة الذي أخذ الفقه عن إبراهيم النخعي. حماد بن أبي سلمة. Okay. Il dit que Abu Hanifa c'était un marchand de tissu. C'était un marchand de tissus. Et c'était un commerçant. Et il a appris la science du hadith et du fiqh de la plupart des grands ulama de son époque. Et il a appris le fiqh sur une durée de 18 ans. 18 ans. Et en particulier de Hamad ibn Abi Salama, celui qui avait étudié le fiqh avec Ibrahim al-Nakhai, un des grands tabi'in. D'accord. Ensuite, il dit makanatuhu al-ilmiya. Donc cet imam Abu Hanifa, c'était quoi son degré ou son niveau dans la science? Il dit huwa imam ahli al-ra'i wa faqih ahli al-Iraq. Qala al-Shafi'i an-nas 'alatun fil fiqh 'ala Abi Hanifa. وقال النضر ابن شميل أو شميل كان الناس نياما على الفقه حتى أيقظهم بما فاتقه وبينه. وقال ابن المبارك ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة وما رأيت أروع منه. وقال مكي أعلم أهل زمانه. وقال القطان ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة. وفاته توفي الإمام أبو حنيفة رحمه الله سنة 150 للهجرة. D'accord. Donc qu'est-ce que les ulama ont dit de lui? C'est que il est connu comme étant l'imam de al-Ra'i, c'est-à-dire l'imam du Qiyas. Ok. C'est-à-dire c'était un imam qui était très fort dans le Qiyas. Et un des grands savants de la région de l'Irak. Et l'imam al-Shafi'i a dit tout le monde par rapport à l'imam Abu Hanifa sont comme ses enfants, sont comme des enfants par rapport à l'imam Abu Hanifa dans le fiqh. On parlera de ça une autre fois, inshallah, bi'idhnillah. Ok. Sinon, parce que si on commence à expliquer ça, on n'aura pas le temps par la suite pour compléter le sujet de ce cours. Donc, on aura d'autres occasions d'en parler, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et en même temps, pour te répondre de façon satisfaisante, il faut que je revise certaines notions. Donc, ça ne sert à rien que je te réponde actuellement. D'accord? Et un autre savant, Nadr ibn Shamil al-Mazini, il dit, les gens étaient endormis dans le fiqh, jusqu'à ce que Abu Hanifa les réveille et le clarifie. Abdullah ibn al-Mubarak, un des grands ulama, un des imams dans la religion et dans le hadith, il a dit, je n'ai jamais vu de pareil que Abu Hanifa dans le fiqh. Et je n'ai jamais vu de plus pieux que lui. Et Al-Makki ibn Ibrahim ibn Bashir Al-Hanzali, il dit, c'était le plus savant de son époque. Un des plus savants des gens de son époque. Et Al-Qattan, il dit, et c'est probablement Yahya ibn Al-Qattan, Allahu A'lam, il disait, on n'a jamais entendu d'opinion ou de qiyas meilleur que celui de Abu Hanifa. Et il est mort en l'an 150. Abu Hanifa est mort en l'an 150 de la Hijra. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thaniyan, deuxièmement, usulu madhhabihi, c'est-à-dire les fondements du madhhab de l'imam Abu Hanifa. مبدأها ما قاله هو عن نفسه: إني آخذ بكتاب الله، إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فإن لم أجد أو فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات. فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت، وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب وعدد منهم رجالا، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. Donc ici, le cheikh il parle des fondements du madhhab de l'imam Abu Hanifa. Il explique que l'imam Abu Hanifa a expliqué lui-même ses fondements par sa propre parole. Il a dit: moi je prends du livre d'Allah lorsque je trouve une preuve dans le Coran. Et si je ne trouve pas dans le Coran, alors je prends de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des narrations authentiques qui ont été propagées de ses paroles de la part des rapporteurs fiables. Et si je ne trouve pas ni dans le livre d'Allah ni dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors je prends de la parole de ses compagnons de qui je veux, et je laisse la parole de qui je veux, et je ne sors pas de la parole d'aucun d'entre eux vers la parole de quiconque. Et si c'est la parole ensuite la parole des tabi'in comme Ibrahim, An-Nakhai et Al-Sha'bi et Ibn al-Musayyib, et il a mentionné d'autres également, il dit: dans ce cas-là je fais l'ijtihad de la même manière que eux ont fait l'ijtihad, hein, comme certains ont mentionné de la part de l'imam Abu Hanifa. Et il dit ensuite: wa usulu madhhab al-Hanafiyya kathira istaw'abuha ashabuhu fi kutubihim kal imam al-Bardhawi wa ba'dahu muhibbullah ابن عبد الشكور في كتابه مسلم الثبوت في أصول الحنفية والشافعية المتوفى سنة 1119 وغيرهما، ولا يمكننا استيعابها، وإنما سنذكر الأصول الأولوية التي تفرعت عنها تلك الأصول الأخرى. Donc il dit que les fondements du madhhab Al-Hanafiyya sont nombreux. Certains d'entre les compagnons du madhhab les ont dénombrés dans leurs livres, comme l'imam Al-Bardhawi et d'autres également qui sont venus plus tard, comme Muhibbullah ibn Abd al-Shakur dans son livre Musallam al-Thubut, ou bien Muslim al-Thubut fi Usul al-Hanafiyya wa al-Shafi'iyya, qui est mort en l'an 119, et d'autres également que ces deux-là. Ils ont mentionné certaines choses à ce sujet-là. Il dit qu'il y en a beaucoup, il y en a de nombreux fondements, mais on va mentionner les principaux fondements de quels les autres fondements ont découlé. Hein? Et le premier, yani awwalan al-kitab, al-kitab al-karim, c'est-à-dire le Coran. Ça, c'est le premier fondement. Thaniyan al-sunnah. Donc, deuxièmement, l'imam Abu Hanifa, il prend de la sunna. Et ça, c'est les quatre fondements qui sont les plus connus par les imams, les quatre imams de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad. Leurs quatre fondements principaux, c'est toujours Al-Kitab, Al-Sunna, Al-Ijma' ou Al-Qiyas. Ça, c'est les quatre principaux. Mais sinon, il y a des fois, ils ont certains détails ou certaines petite particularité l'un vis-à-vis de l'autre ou par rapport à l'autre, donc il y a des petites différences parfois, comme par exemple As-Sunna, il dit ici: wa Abu Hanifa rahimahullah ya'malu bi khabar al-wahid walakin bi shurutin thalatha. Donc il mentionne les trois conditions, puis on va pas mentionner tous les détails parce qu'il y a certains détails qui nous dépassent ou bien qui sont pas bénéfiques nécessairement pour nous, donc il y a pas d'intérêt de les mentionner. Donc l'imam Abu Hanifa il accepte les narrations qui sont mentionnées de la part d'un narrateur ou c'est-à-dire la question de al-khabr al-wahid, c'est-à-dire même si un hadith est rapporté par un petit nombre de narrateurs, il les accepte quand même. Et ça, c'est la position en général des gens de la sunna. Mais par contre, l'imam Abu Hanifa, il a établi pour cela trois conditions. Et on ne va pas mentionner les détails de ça, mais bon. Le Cheikh dit, فَإِذَا تَوَفَّرَتْ هَذِهِ الشُّرُوتِ فِي الْخَبَرَ الْوَاحِدِ وَلَوْ ضَعِيفَ السَّنَدِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهِ وَيُقَدِّمُهُ حَتَّى عَلَى الْقِيَاسِ. Donc l'imam Abu Hanifa, s'il trouve le hadith qui est rapporté par un seul narrateur, même si c'est une chaîne qui est faible, il le prend et il lui donne précédence sur le qiyas. Donc il donne précédence au hadith faible sur le qiyas. ولا يلتفت لسنده الخاص ولا لكونه على وفق عمل أهل المدينة أو خلافهم بل مشهورا عند فقهاء العراق فإذا لم يكن كذلك اعتبره شاذا وذهب إلى القياس وترك الحديث ولو كان صحيحا أو عمل به أهل المدينة أجمع. Donc là il mentionne des détails par rapport à la question du hadith al-wahid et s'il est faible, donc on a dit qu'il va prendre le qiyas, il va pas prendre le qiyas, il va donner précédence à la narration qui est faible, puis après il donne d'autres détails, on va pas mentionner tout ça. Le troisième fondement, c'est al-ijma', on a mentionné ça déjà. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il prend comme référence dans son madhhab? C'est aqwal al-sahaba. لأنهم هم الذين عاينوا التنزيل وعرفوا المناسبات وكان من مبدئه إعمال رأيه فيما يروى عن الصحابة من أقوال وعدم الاعتداد بأقوال التابعين إلا إن توافق اجتهاده. Donc il prend comme quatrième référence la parole des Sahaba. Pourquoi? Parce qu'ils étaient témoins de la révélation et ils connaissaient les occasions des révélations des différents versets. Et ça, c'était donc que un de ses fondements. Et il prenait son opinion par rapport à la position par rapport à qu'est-ce qui était rapporté des Sahaba. Il accepte des paroles des Sahaba, ce qui est en accord avec son opinion. Et en ce qui concerne la parole des Tabi'in, il prend des Tabi'in, ce qui est en accord avec son ijtihad. Cinquièmement, al-qiyas. مذهب أبي حنيفة أوسع المذاهب وأكثرها تسامحا على وجه الإلماء على وجه الإجمال وأيسرها للمجتهد الماهر استنباطا لانبنائه على الفلسفة والنظر لحكم الأحكام والعلل لا سيما في المعاملات التي القصد منها مصالح الخلق وعمارة الكون. فالحنفي أحوج إلى النظر في النقل والأثر إذ من قواعد مذهبه الأخذ بالقياس والتوسع فيه في غير الحدود والكفارات والتقديرات الشرعية والقياس عند أبي حنيفة مقدم على الخبر الصحيح المعارض له من كل وجه الذي فيه قادح من القوادح السابقة عنده. Donc le qiyas, il a une grande importance dans le madhhab de Abu Hanifa, et même que parfois il a été justement critiqué à cause de ça, parce que ils ont parfois donné précédence au qiyas sur le hadith authentique même. Et donc en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées là-dessus, mais sinon ça, c'est quelque chose qui fait partie des principes de tous les madhahib, le qiyas, sauf que la plupart des trois autres imams, ils ne vont pas donner précédence au qiyas sur le hadith authentique. D'accord? Donc c'est pour ça que les ulama, ils ont appelé le madhhab Hanafi, les gens du madhhab al-Hanafi, ils les ont appelés Ahlul Ra'i. Hein? Et ils les critiquaient à cause de ça. Le point numéro 6, c'est Al-Istihsan. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de ça non plus. Wal-Hiyal, c'est le septième. Donc ça, c'est en gros les grands fondements, mais les quatre les plus importants qu'on a mentionnés, c'est Al-Kitab, Al-Sunna, Al-Ijma' et Al-Qiyas. يعني ثالثا أصحاب أبي حنيفة وتلامذته. Donc l'imam Abu Hanifa, il a eu plusieurs élèves. Les plus importants et les plus célèbres parmi eux, il y a Abu Yusuf, il y a Muhammad ibn al-Hassan ibn Farqad al-Shaybani, et il y a Zufar ibn al-Hudayl ibn Qays al-Kufi et al-Hassan ibn Ziyad al-Lu'lu'i al-Kufi. Donc ça, c'est les quatre élèves les plus importants, mais les deux premiers, c'est eux les plus célèbres et les plus connus, et c'est eux qui ont le plus répandu son madhab, Abu Yusuf et Muhammad al-Shaybani. Abu Yusuf, son nom, c'est Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari al-Kufi. Il est né en l'an 113 et il est mort en l'an 182. Il était un des plus savants parmi les compagnons de l'imam Abu Hanifa. Et ils disent de lui que, il dit, « كان أفقه أصحابه ظاهر الفضل بين أهل عصره فهو أول من وضع أصول الفقه على مذهب الإمام وأملى المسائل وبث علم الإمام في أقطار الأرض وتولى القضاء في بغداد ثم في خلافة هارون الرشيد وكان رئيس القضاة ومسؤول عنهم. Donc lui, Abu Yusuf, c'est lui qui a établi les fondements, qui a écrit les fondements de l'imam Abu Hanifa dans son madhab, et qui a établi les différents points, les différentes questions de son madhab, et qui a propagé la science de cet imam dans les différentes régions du monde. Et c'est lui qui a été également le juge à Bagdad à l'époque de Harun al-Rashid. Et il a été le chef des juges, le juge en chef et le responsable des juges à son époque. L'autre parmi les grands élèves de Abu Hanifa, c'est Muhammad ibn al-Hassan ibn Farqad al-Shaybani. Il dit « Wulida biwasit athna asafari walidihi dimna al-jund min al-Sham ila al-Iraq sanata 132 ونشأ بالكوفة وانتقل إلى بغداد حاضرة الدولة والعلم في ذلك العصر وبلغ نبوغه بين معاصريه إلى أن صار مرجع أهل الرأي والقياس وتوفي سنة 187. Donc il est né en l'an 132, il est mort en l'an 187. Et il a été donc un des grands imams, un des grands ulama du madhab de son époque et une des références du madhab de Abu Hanifa. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine l'explication donc de la suite de qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'imam Abu Hanifa, puis les autres madhahib par la suite, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته